passe à la première question. L'amour fait partie de l'être humain. Il est ainsi fait. À travers l'amour, on découvre la souffrance. Celle-ci fait grandir l'homme. Il se découvre à travers la souffrance. Il est impossible à l'homme de ne pas aimer. Donc, il doit aussi souffrir. Pour moi, les gens sans amour sont médiocres. L'amour fait vibrer, inspire, rend meilleur et rapproche de l'infini, qui pour moi est Dieu, l'être suprême. Tu sais qu'il y a toujours deux formes d'infini. Celui qui tend vers zéro et celui qui tend vers l'absolu. L'amour rapproche effectivement de l'infini. Mais l'infini qui tend vers zéro. L'amour fait partie de l'être humain, c'est faux. L'amour fait partie de l'animal humain. Et je ne dis pas ça péjorativement. Si on regarde de quelle façon vont vivre les troupeaux, c'est comme l'homme en collectivité. De quelle façon les mâles, animales, vont courir après les femelles, mesdames, vous en savez quelque chose, le mâle et homme fait souvent la même chose. De quelle façon on aura des disputes de territoire, on appelle ça des guerres, nous autres, mais c'est la même chose. À un point tel que même l'enfant a de l'instinct, l'animal aussi a de l'instinct, et l'être humain va fonctionner l'être humain, qu'est-ce qu'il a besoin sur la vie, l'être humain? Il a besoin de manger, il a besoin de se reproduire, du moins zygoter, et puis il a besoin de se distraire. Tel est le règne de l'animal. Et on va même dire, ben non, moi je ne me distrais pas, j'évolue. Dans la majorité des cas, l'évolution pour le règne humain est une distraction. C'est une autre forme de distraction. Bon, quand on est écœuré d'évoluer, ben là on commence à faire d'autres choses. Puis à un moment donné, ben là, ce qu'on fait ne nous satisfait plus, on commence à s'ennuyer, ben là, on va fouiller dans l'ésotérisme, dans l'occultisme, dans la théologie, etc., dans la philosophie. Bon, on parle à travers l'amour, on découvre la souffrance. On ne découvre pas la souffrance à travers l'amour. Elle est souffrance. C'est autre chose. Celle-ci fait grandir l'homme. Non, l'homme grandit malgré elle. Mais ça serait drôlement plus efficace et rapide sans elle. Celle-ci fait grandir l'homme, il se découvre. L'homme ne se découvre pas, l'homme est totalement manipulé. Et à travers les souffrances de l'amour, l'homme finit par être éduqué, par être élevé, c'est-à-dire que l'homme apprend à connaître ce qu'on veut bien qu'il sache et qu'il connaisse de lui. Pas rien d'autre. Ah, ben moi, je suis faible. T'es pas faible, c'est parce qu'on te montre faible que tu te vois faible et tu l'acceptes. À travers la souffrance, il est impossible à l'homme de ne pas aimer. C'est faux aussi. Il doit aussi souffrir. Ça aussi, c'est faux. Ça fait partie des vieux archétypes. On évolue dans la souffrance. Pour moi, les gens sans amour sont médiocres. Et je suis d'accord avec la personne. Et voilà. Ce qui semble faire peur aux gens, c'est comme si tu prêchais l'absence d'amour comme une nécessité. Je ne prêche pas l'absence d'amour non, comme une nécessité. Non, mais moi, je peux ajouter quelque chose. C'est peut-être dans la forme de l'amour. Parce que, au fond... Quand tu dis aimer d'un amour intelligent, il y en a de l'amour, mais la forme... Mais cet amour-là, comme tout à l'heure j'expliquais, l'humain ne la connaît pas encore. Alors il y a donc un danger que l'humain puisse récupérer ce que je dis dans l'amour intelligent pour pouvoir habiller son amour psychologique et continuer à se vautrer dans la souffrance. On peut quand même l'intuitionner d'abord. Oui, on va commencer par l'intuitionner. Maintenant, je reviens ici. Pour moi, les gens sans amour sont médiocres. Alors je fais une petite parenthèse que je fais souvent plutôt au niveau du séminaire. C'est qu'il y a deux formes d'initiation. Il y a l'initiation de l'animal humain, et je ne dis pas ça péjorativement. Je ne peux pas haïr. Alors, je ne dis pas ça en fonction de dire, bien, il y a l'animal humain, puis il y a l'être humain. Non. Il y a l'initiation de l'animal humain qui se fait dans la souffrance, donc dans l'amour. Il y a l'initiation de l'être humain qui se fait sans souffrance. Par contre, il y a une chose que l'animal, que l'âme recherche, et c'est l'âme qui rend l'homme animal. Les animaux ont des âmes, même les plantes ont des âmes. Ils n'ont pas d'esprit, pas d'intelligence, ils ont des âmes. Ils souffrent, eux aussi, ils sont capables d'aimer. Un chien ou un cheval, une vache, une belette, n'importe quel animal, on peut arriver à l'assujettir à nous autres pour qu'il nous aime et qu'il souffre notre absence, qu'il nous protège, qu'il donne sa vie pour nous autres. N'importe quel animal, ça a des âmes, ça n'a pas d'intelligence. Nous, on en a une. Les animaux ne savent pas qu'ils savent. Nous, on sait qu'on sait. C'est tout à fait différent. Alors, il y a deux formes d'initiation. Il y a celle qui est méritoire. Alors, je prends un revolver et je tire une balle en plein visage du Dr Charles Craig. Et la balle frappe son oreille, puis elle y en arrache un petit bout. Alors, le Dr Charles Craig se concentre, et puis là, il arrête le saignement, et puis lentement, il reforme l'oreille. Ça prend une journée. Et on va dire, voilà un maître. Le docteur Charles Crête prend un revolver et me tire une balle en plein visage. Et il le fusil s'enraye. Ou la balle me manque parce qu'il a manqué son coup. Et on va dire, vie chanceuse. L'initiation solaire, elle s'adresse à l'être humain. Elle n'est pas méritoire. Il ne vous arrive à rien. L'initiation lunaire, l'initiation de l'aide de l'animal humain, elle est souffrante, elle est méritoire, il travaille et il mérite son succès. Moi, je ne peux pas aimer, regarder, apprécier ou respecter un Dieu qui oblige de l'intelligence à devoir mériter son ascension. Je vais créer un règne humain, petit, médiocre, et je vais jouer à la balle avec, puis ceux qui sont en dessous, tant pis. Pas respecter ce genre de d'illusion. Alors, celui qui n'aime pas ne souffre pas. C'est un être médiocre. Oui, c'est vrai qu'il est médiocre. Il ne vit pas d'initiation méritoire. Celui qui est courageux contrôle sa peur. Et celui qui n'a pas peur, oh ben lui. Mais j'aime autant être celui qui n'a pas peur. C'est pas méritoire, je mérite rien, c'est pas de ma faute, remercie-moi pas, je sais même pas, j'ai pas peur. Tandis qu'une autre personne, elle, on peut l'adorer, on peut lui faire une statue pour que les mouettes puissent atterrir dessus, les pigeons aussi. On peut faire un aimant son nom, on peut faire des choses. Elle avait peur, elle a contrôlé sa peur, elle a réussi à s'en sortir malgré la peur. C'est un humain qui arrive à se surpasser. Ça veut dire quoi? C'est un humain qui arrive à faire semblant qu'il est un surhomme. Alors que celui qui n'a pas peur est un surhomme. Mais l'animal humain va adorer l'animal humain qui joue au Dieu. Pas le Dieu. Le Nazaréen l'adore. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il a souffert. C'est ceux qui le regardaient qui souffraient. Ils ont écrit des livres en plus. Alors, si c'est pour moi les gens sans amour sont médiocres, effectivement, et ceux qui ont de l'amour sont un petit peu plus en dessous. L'amour fait vibrer. C'est faux. L'amour fait sécréter des hormones, c'est vrai. Vous êtes angoissé, ça sécrète. Il y a une tachycardie, de toute façon, docteur Crête, vous travaillez un peu en psychiatrie. Vous avez une idée de ce qui se passe au niveau hormonal. L'amour, ça fait cela. Tout le phénomène de souffrance psychologique ou d'amour psychologique est expressément exprimé par le système endocrinien du corps physique. Le sentiment n'exprime pas de l'hormone. Lui est une espèce de ligne d'énergie qu'on sent dans le corps, dans le dos, dans les mains. C'est autre chose. L'amour ne fait pas ça. Le sentiment ne fait pas souffrir. Alors pourquoi bannir la capacité qu'a l'humain de vivre d'un sentiment, appelez ça amour intelligent si on veut, qui ne fait pas souffrir l'homme et qui rend libre même ceux qui sont aimés. Et on refuse ça et on préfère l'amour qui a toujours été planté dans la conscience de l'homme, celle qui fait que quand on aime, on est mal pris, celui qu'on aime, on le manipule, et puis tout le marasme dans lequel on est. L'amour fait vibrer. Elle fait sécréter, inspire, rend meilleur. Non, c'est le sentiment qui arrive à rester par-dessus l'amour. Un sentiment naît chez vous. Vous l'expérimentez, vous le mémorisez, vous vous en rappelez et vous en avez inventé l'amour. L'émotion. L'amour intelligent n'est pas une émotion, c'est un sentiment. L'amour psychologique est une émotion. Et une émotion s'exprime toujours par les voies endocriniennes. L'être humain vibre le sentiment, c'est ça qui le fait grandir, c'est de l'énergie. Et à force de vibrer la même énergie, il finit par dire que c'est normal. Fait que là, tu me dois cette énergie-là. Fait que là, je le respecte plus, il doit, il est assujetti à moi. C'est l'amour. Pour moi, bon, ça nous rend meilleurs et ça nous rapproche de l'infini qui, pour moi, est Dieu, l'être suprême. Est-ce que l'être suprême aime? A-t-il la faculté de souffrir, de vous aimer? A-t-il la faculté réelle de souffrir, de vous aimer? Est-ce que l'être suprême aime comme l'être humain, avec un amour conditionnel qui va dire, il est noir, lui. Les femmes, okay, ben, qui se maquillent, hein? Et puis là, comme ça, non. L'être suprême, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a pas le choix de dire rien. Tu viens de tuer un maringouin, il aime le maringouin, il aime le tueur. Il ne peut pas faire autrement. Quelle que soit la chose qui se passe sur le plan planétaire, est-ce que présentement le gars qui a mis le feu à l'entrepôt à Saint-Basile, l'être suprême ne l'aime pas? Il n'aime pas d'un amour comme l'homme. Si vous parlez d'aimer, il n'a pas le choix, sinon ce Dieu-là est un Dieu comme celui créé par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme. Si on parle d'un être suprême, il doit être suprême. S'il est suprême, c'est qu'il est supérieur. S'il est supérieur, ne pensons pas être comme lui. Donc, ce que nous vivons, il ne le vit pas. Notre amour souffrant, il ne doit pas connaître ça. S'il connaît ça, tant pis, je suis au-delà de lui. On passe une autre. Dire souvent « je t'aime », ce n'est donc pas tellement bon. Ben, c'est très, très bon. Ça dit à l'autre que tu es obligé de faire mes 101 caprices. Par contre, sommes-nous capables de simplement aimer quelqu'un, c'est-à-dire raisonner, vibrer, rayonner quelqu'un, sans nécessairement lui dire? Peux-tu regarder une fleur sans dire « maudit qu'elle est belle »? Peux-tu être à côté de quelqu'un, vivre avec quelqu'un sans devoir lui dire « hey, je t'aime, m'aimes-tu? » Mais si elle l'exige? Si elle l'exige, c'est qu'elle t'aime. C'est un fait. C'est un maudit problème. C'est un problème maudit. Tu sais, il y a des gens qui disent qu'elle a toujours été comme ça et qu'on ne peut pas changer le monde. Et ça, c'est exactement comme les esclaves noirs qui ont toujours dit, on a fait 200 ans qu'on est esclave, on ne peut pas changer ça. Et c'est comme de dire, on vivait dans des cavernes, et puis on a toujours vécu dans des cavernes, on ne peut pas changer ça. C'est comme de dire, on chauffe au bois, l'électricité, c'est chaque fois qu'il y a quelque chose de neuf, on est contre. C'est un peu ça, attendre que les sociétés changent avant les autres de oui, changer. Oui, mais si la majorité attend cela, la société ne change pas. C'est ça. Alors, ça a toujours été comme ça, oui, raison de plus pour le changer. Et non pas pour dire, on ne peut pas changer le monde. Et moi, je ne veux pas changer le monde, on ne peut pas changer le monde. Le monde, ça les regarde. Mais pourquoi que quelques personnes, en l'occurrence ceux qui sont ici ce soir qui ont des oreilles, ou encore ceux qui vont m'entendre et qui ne sont pas là, c'est pas mystérieux, c'est moi, je sais qu'à cette fois. Alors, ces personnes ne peuvent pas, eux, se changer. Est-ce que c'est nécessaire de changer le monde? Est-ce que pour être heureux, il faut que tout le monde soit heureux? Ben voyons donc, on ne sera jamais heureux. Ils attendent après nous, ils attendent après eux. Et ce que j'aime, moi, c'est quand on dit que l'amour, ça rend heureux. Pourquoi? Je répète les choses simplement pour qu'elles soient enregistrées sur la cassette, pour qu'on puisse suivre la conversation. L'amour, ça rend heureux. Et si tu veux te libérer du malheur, lâche cette espèce de bonheur. Ça ne rend pas heureux, l'amour. Ça te... Regardez comme j'explique souvent. L'amour, ça te rend heureux. Pourquoi? Ça te fait souffrir de même, puis après ça, on te donne un cadeau. Par différence de potentiel extraordinaire. Et puis, à un moment donné, ben là, tu te tannes. On te donne un petit cadeau. Ah, génial. C'est bien simple. Bois ta femme tous les jours. Puis, dans la semaine, une semaine, quelque part dans l'année, une journée, bois-la pas. Et maudit que t'es bon! Elle va t'aimer! Hey, je ne t'ai pas battu aujourd'hui! C'est ça, l'amour. L'amour, ça rend heureux. C'est une farce. On vous donne quatre coups, puis après ça, on vous donne un par en haut. Et là, on est tout content. Parce que trois par en bas, un par en haut, on est tout content. Voyons donc. La femme, elle fait des choses avant de connaître le bonhomme. Le bonhomme, il fait des choses avant de connaître la femme. Quand ils se rencontrent ensemble, ils ne font plus rien de ce qu'ils faisaient. Là, ils font des compromis. Oui, mais on vit ensemble, justement. Vous êtes tous carrément démolis. Et puis après ça, on doit faire du dialogue. En être humain intelligent, on ne dialogue pas. Il n'y a pas de problème. Non, cessez de résister à l'idée. Je ne dis pas que vous devez changer. Ce que je vous dis, moi, c'est observer si ce que j'ai dit dans la première partie fait du sens. Et si vous dites, oui, mais ça a toujours été de même. Ça a toujours été puant. Mais faisons le ménage. Mais ce n'est pas une raison de ne pas se changer ou de ne pas accepter que c'est de même, parce qu'on ne peut pas changer. Moi, il y a des choses, quand j'étais jeune, que je ne pouvais pas changer. Mais je savais que je devrais. J'aurais bien aimé les changer. Je ne pouvais pas. Mais ce n'est pas parce que je ne pouvais pas que je disais, ben oui, mais ça ne se peut pas. Non. Je devais les changer. Je ne pouvais pas les changer. C'est comme celui qui fume, puis qui pique la cigarette, puis qui dit, je le sais que ce n'est pas bon. Mais continue à fumer. Puis continue à savoir que ce n'est pas bon. Puis un jour, tu ne fumeras plus, sans souffrance, sans problème. C'est la même chose pour l'amour. Vous aimez quelqu'un, vous allez le faire souffrir. Ah, ça a toujours été de même. Changeons. Ceux qui ne peuvent pas changer, ben, changez pas. Mais faites pas tout pour empêcher les autres de se libérer. Hein? J'attends toujours ce moment privilégié pour arrêter de fumer. On dit souvent de quelqu'un qu'il a manqué d'amour. C'est pourquoi, bien souvent, il devient délinquant. Qu'est-ce que c'est qu'un délinquant? C'est une personne qui veut absolument être normale puis qui se sent rejetée par la société et qui, finalement, dans sa conscience, rejette la société. C'est pas celui qui manque d'amour. Les enfants battus, on sait que la majorité des parents qui battent leurs enfants les adorent. Ils les aiment trop. Et on va dire qu'ils les aiment mal. Mais non, c'est de l'amour. L'enfant qui manque d'amour, il ne manque pas d'amour, il manque de relations. Et c'est extrêmement différent. Il manque de relations, il manque de communication. C'est pas de l'amour qu'il manque. Les parents peuvent dire, ben oui, mais j'ai toujours acheté ce qu'il voulait, j'ai toujours, oui, vous l'avez aimé, rempli d'amour. Il manque de relations, de communication. L'âme en construction à l'intérieur d'un jeune a besoin de paramètres extérieurs pour arriver à se connaître, à se paramétrer, à se placer. Et lorsqu'on laisse un jeune, lorsqu'on laisse un homme en formation totalement libre d'être elle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation, de communication avec des personnes que cet homme-là, que ce jeune-là respecte, bien nécessairement, à un moment donné, il se sent tellement rejeté qu'il a une solution. Il se suicide ou bien non, il se vire de bord et il dit « Je ne suis pas rejeté, c'est moi qui les rejette, ce sont des » et c'est lui qui commence à travailler contre. Et nécessairement, il délinque un peu, il devient délinquant. Mais c'est simplement la relation qu'il manque, ce n'est pas de l'amour. Prenez un individu, un jeune qui va discuter avec un éducateur ou un parent. S'il a une relation réelle avec, il va dire « j'aime parler avec ». Il parle encore d'amour, il est un peu assujetti, mais il va penser que c'est de l'amour. L'important, c'est la pureté de la relation. Une personne peut aimer énormément un jeune, puis pas être capable de rien communiquer avec le jeune. Ce n'est pas de l'amour que l'enfant a besoin. C'est de la communication, c'est de la relation, de l'explication, de l'éclaircissement. Parle, je veux parler parce que quand je parle, ça, j'arrive à me comprendre. Mais j'ai personne à qui parler, je ne peux pas me comprendre. Et quand je viens pour parler, puis qu'on me refuse, je me dis, bon, ben on me refuse. Et lentement, ben je refuse ceux qui me refusent, je refuse donc ce que j'appelle la société. C'est pas l'amour qui manque. La majorité des enfants à problème ont été entourés d'amour, mais pas de communication. Aimez-vous donner des conférences? Si oui, est-ce que ça vous fait souffrir? Mais je n'aime pas donner de conférences. Voyez-vous, je fais des conférences pour différentes raisons qui me sont utiles. Je n'aime pas donner des conférences dans ce sens. Ah, ben ça, c'est intéressant, oui. Je n'aime pas donner des conférences. En tout cas, au moins, moi, je suis payé pour le faire. C'est déjà moins pire. Mais pourquoi je fais des conférences? Simplement parce qu'en parlant, moi aussi, je peux me développer, je peux répondre à certaines choses. Deuxièmement, en faisant des conférences au niveau du public, ou en écrivant des livres, ou en faisant de la radio, de la télévision, eh bien, ça me permet de rencontrer des gens qui sont aussi en vibration avec une forme d'intelligence qui ressemble à la mienne. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de vibration intelligente, mais ça ne ressemble pas nécessairement à la mienne. Alors, ça me permet donc de rencontrer des gens qui sont intéressants, que les conférences ont amené, que je peux voir par la suite après les conférences. Et autre chose aussi, c'est que plus il y a d'humains qui vont se conscientiser vers l'élimination de problèmes qui les font souffrir, plus la société va être mieux, et moi, je veux vivre dans une société qui va être mieux. Il y a des personnes qui disent que c'est l'ego. Et ces personnes-là le crient, comme ça, publiquement. Je ne sais pas qui a le plus d'ego. C'est comme les personnes qui souffrent de m'entendre dire que l'amour fait souffrir. Ils aiment tellement l'amour qu'ils en souffrent. Et ils ne veulent pas s'ouvrir les yeux. Parce qu'on pense que le neuf fait plus souffrir. Le neuf, ça ne fait pas plus souffrir, mais vous allez souffrir plus vite. J'ai expliqué dans le début. Vous arrachez une rose bien lentement. Les épines vous en rentrent dans la main pendant toute votre vie. Et on regarde la fleur en espérant qu'un jour, on ne sentira plus la main qui rentre dans les épines. La fleur, elle est attachée aux épines, j'étais toute. Puis si on le fait à un moment donné, eh bien, on va se dire, oui, mais là, d'un coup, j'ai manqué, d'un coup, j'ai mal fait. On a le choix. On se risque ou on continue à souffrir toute sa vie. Puis à la fin de la vie, le corps s'en va, l'âme meurt. Tout ce qu'on a aimé décolle aussi, puis on en souffre juste un peu plus. Le Bouddha a été le premier à le découvrir, c'est pas la première fois qu'on en parle. Mais l'humain refuse le neuf, parce que le neuf, ça oblige les transformations du vieux. Ça amène de la souffrance. Élaborer sur la foi. Certains disent que par la pensée positive, nous pouvons guérir. Est-ce possible? Non. La pensée positive, c'est un leurre. C'est sûr que les personnes qui m'entendent la première fois vont dire, bon, mais finalement, tout est une farce. L'amour n'existe pas, la pensée positive non plus. Vous savez, voir le monde d'une façon négative, c'est pas correct. Voir le monde d'une façon positive, c'est mieux, mais c'est pas correct. Voir le monde comme il est, ça, c'est correct. Certains disent que par la pensée positive, et j'ai expliqué souvent par la pensée, vous n'êtes même pas capable de faire bouger votre doigt. Alors, en plus, obliger les cellules à se restructurer. Et quand lui-même me dit, ben, gars, je le fais bouger mon doigt, Non, ce n'est pas ta pensée qui fait bouger ton doigt. C'est ce que j'appelle, moi, l'interpréteur actionnel. Mais ce n'est pas ta pensée. Alors, on place le bras quelque part. Hein, et ceux qui veulent faire l'expérience, vous le faites. Et puis, vous vous concentrez pour que votre bras lève. Et vous verrez, il ne lèvera pas. Vous allez peut-être le lever. C'est vous qui le faites, pas votre pensée. Vous avez soif. Vous ne pensez pas à contracter un paquet de muscles pour aller boire. Vous avez soif. L'interpréteur actionnel fait partie de votre corps vital, va contrôler la musculature pour aller boire. Et l'individu qui est tellement encarcanisé, qui me dit, « Ben non, c'est ma pensée! Bouge-moi ton oreille! » La pensée ne peut pas bouger ton corps. Guérir, encore moins. La parole positive, c'est autre chose. La pensée, c'est une farce, surtout que l'homme ne pense même pas. C'est même pas lui qui pense dans sa tête. On se couche le soir, on veut dormir, mais on ne peut pas, ça pense dans notre tête. Essayez de penser que c'est vous autres qui pensez, c'est vous autres qui parlez dans votre tête, mais pas qui pensez. J'ai fait différentes conférences là-dessus, c'est évident que je vais revenir à un moment donné. Mais une chose certaine, c'est que l'être humain est totalement manipulé dans sa pensée parce qu'il croit que c'est lui qui pense. Même chose. Oui, mais je l'aime. C'est toute de l'illusion. Ce n'est pas votre conscience qui dit cela. Et si on peut contrôler sa pensée, ça veut dire que si je vous conte des farces, par exemple, qui peuvent vous donner mal au cœur, bien, vous avez juste à contrôler votre pensée pour ne pas avoir mal au cœur. Simple. L'homme ne peut pas. Vous avez peur quelque part? Contrôlez votre pensée, il n'y a plus peur. On ne peut pas. Vous voulez dormir, ça pense dans votre tête? Pas vous autres. Vous avez eu un accident, vous le revoyez? Coupez ça. On ne peut pas. C'est pas vous autres. Et d'ailleurs, les psychiatres en savent suffisamment, les psychologues aussi. On peut programmer une pensée, changer des structures, mais l'homme, ce n'est pas lui qui contrôle la pensée. L'homme ne pense pas. Il pense qu'il pense. Il parle dans sa tête. La pensée positive, c'est un très bon moyen de vendre des livres. Est-ce que c'est la souffrance qui t'a amené à penser de cette façon? C'est possiblement de la souffrance, oui, effectivement. Maintenant, je ne pense pas de cette façon, je parle de cette façon. Quel genre de souffrance? Bon, pas le genre de souffrance que, normalement, l'humain considère comme étant de la souffrance. Mais j'ai voyagé énormément, et étant donné que j'ai appris ou laissé apprendre rapidement la faculté de vivre un peu plus, de vibrer ce que les autres vivent, eh bien, j'ai vu suffisamment de souffrance dans les pays sous-développés en tant que technicien médical d'urgence pour Urgence Santé Montréal pendant 5 ans. Et puis, à plusieurs expériences et d'autres choses que j'ai faites, pour me rendre compte que l'être humain, finalement, souffrait, mais que la souffrance ne lui appartenait même pas, qu'il y avait de l'intelligence dans l'homme et toute une amanchure qui l'exprimait, qui faisait penser que c'était ça, l'homme. Et ce n'est pas ça, l'homme. L'homme, ce n'est pas de la souffrance, ce n'est pas de l'ennui, ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la gêne, ce n'est pas de la honte, ce n'est pas des phobies, ce n'est pas un corps physique, ce n'est pas un gros nez, ce n'est pas un bouton, ce n'est pas du rouge à lèvres, ce n'est pas ça, l'homme. Et bien souvent, tous les humains que j'ai rencontrés pensaient que c'était ça, l'homme. Alors, il y en a un dans la jungle amazonienne, c'est un grand chasseur. On n'est pas grand parce qu'on chasse grand. Non. Et il y a l'humain se prend pour ce qu'il n'est pas. Et ce n'est pas de la souffrance comme on la connaît, mais c'est, disons, de l'écœurement. Je fais, je finis par changer les choses. Bon, la prochaine question, ça m'en fait penser plusieurs. Comment expliquer l'amour entre les homos et les lesbiennes? Comment expliquer l'amour? C'est le même phénomène d'amour. C'est la même chose. Il n'y a pas de... Il est évident qu'il y a une consonance hormonale pour la simple raison que l'amour est une émotion. Et nécessairement, l'émotion est exprimée par le système endocrinien. Donc, cela demande un système endocrinien particulier qui peut, par mutation bénigne, s'altérer au cours de l'adolescence ou même au cours de l'âge mûr. Donc, une personne peut le devenir. C'est une affinité au niveau des âmes qui peut engendrer une acceptation au niveau des visuels corporels qui va faire en sorte que l'harmonique entre deux âmes va permettre la relation corporelle, parce que de toute façon, la relation n'est pas importante dans le cas de certaines homosexualités, lesbiennes ou masculines. Et ça reste le même phénomène de l'amour. Si on n'arrive pas à faire en sorte qu'une femme nous aime ou qu'on n'arrive pas à la faire souffrir suffisamment, puis qu'on arrive à faire souffrir un gars suffisamment, bien, on aime le gars. Et puis, il peut y avoir une similitude. C'est un phénomène endocrinien. C'est la même chose. Comment expliquer qu'un homme aime une femme? On devrait s'aimer en gang. Les femmes avec les femmes, les gars avec les gars. Non, c'est question d'hormones. L'homme ne choisit pas d'aimer la femme. La femme ne choisit pas d'aimer l'homme. Parce que les personnes ici sont éduquées, ils vont dire, bien, voyons, non, ça ne sert pas d'aimer un homme quand tu es un homme. Puis, si vous le feriez, mais vous diriez, c'est correct, ça se fait. Demandez aux homos, ils vont vous dire que c'est correct, ça se fait. C'est parce que nous, on ne le fait pas, et parce qu'on n'a pas l'éducation pour l'accepter, et parce qu'on a un paquet de tabous absolument inutiles qui ont juste continué à nous rendre dans mes lasses, qui fait qu'on ne peut pas accepter ça. J'en connais, moi, qui vont à la campagne. Quand ils voient un taureau monter une vache, ah! Bon, oui, on devrait mettre des rideaux maintenant dans les cours des champs. C'est un amour astralisé. Un amour, c'est le même genre. Comme l'amour. Hein? Il est identique. C'est un amour sélectif, un amour psychologique, un amour qui nécessairement fait souffrir. C'est le même genre d'amour. Un amour qu'on doit cacher. Le gars aime une femme, et que c'est beau, et que c'est beau. Il en aime une deuxième, et que c'est pas beau, et que c'est pas beau. Et vive l'amour. Il y en a au moins qui ont réglé le problème. Tu peux en aimer 4, 5, 15, 20. Mais là, on va dire, oui, mais le sida vient, Dieu vient avec le sida, puis il est puni. Mais oui, mettons-en des choses. Hein? Comme j'ai déjà expliqué pour ceux qui ne l'ont pas entendu, la femme, elle ne sort pas avec personne. Elle est fidèle, elle prie, elle adore Dieu. Son mari, c'est un maudit cochon, il sort qu'une femme prenne le sida. Il couche avec sa femme, donne le sida à sa femme. Dieu punit sa femme. Elle a le sida maintenant. Ben, continue à prier. Autre forme de question. Je reçois les vibrations des autres. Toutefois, quand les vibrations sont complètement différentes des miennes, je ressens un désagrément à l'intérieur de moi. Mm-hmm. Dans ce cas-là, je dois m'éloigner d'eux. Eh oui? S'ils insistent, il m'arrive de perdre patience. En leur disant ce que je ressens, je me libère de ce malaise. Eh oui? Il y a sûrement un moyen pour ne pas ressentir autant et si vite les autres. Premièrement, la personne a un périsprit sans doute un peu mince. Elle n'est pas assez épaisse. Donc, elle est facilement manipulable et elle ressent l'influence d'autrui. Alors, en mangeant des trucs un peu plus crus, des végétaux, des fruits, ces choses-là, en marchant plus souvent nu-pied sur la terre, évidemment, ou dans l'eau, pas dans le bain, là, mais dans un lac, un ruisseau, elle peut s'énergiser un peu plus. Maintenant, la personne, elle dit, bon, je ressens un désagrément. Effectivement, elle n'a pas besoin d'haïr, on ressent un désagrément. Vous pouvez manger un fruit que vous n'aimez pas. Si vous ne l'aimez pas, vous êtes constitué comme cela pour l'instant. Peut-être que dans 2 ans, vous allez l'aimer. Ça peut changer, vous allez changer. Et la personne qui vient vous têter, donc qui veut quand même avoir des... Bon, à un moment donné, vous vous impatientez. Impatientez-vous donc pas. Et vous devrez suffisamment vous déculpabiliser pour devenir un peu plus vos seuls maîtres, pour que lorsque vous n'avez pas de relation à maintenir avec un individu, que vous puissiez lui dire la première fois immédiatement. Alors, pas lui dire, ah, ben là, j'ai pas le nom, vous éloignez, puis... Non, vous retournez, vous le regardez dans les yeux, puis vous lui dites, je m'excuse, mais j'ai pas le goût de parler avec toi. La personne, si elle ne comprend pas, vous lui dites carrément, je t'avertis, je ne parle pas avec toi, et bien souvent, quand quelqu'un veut continuer, il m'arrive de cracher. Bon. Là, la personne, elle va dire que vous la faites souffrir, vous êtes un cochon, vous êtes... Puis après, faites ce que vous voudrez dans votre vie, il y aura toujours la moitié d'humanité pour vous haïr. Donnez 5$ à votre enfant, donnez-lui 3 semaines. Une fois, vous ne l'avez pas, il va vous haïr. Donnez-lui jamais, une fois vous lui donnez, ah, qu'il va vous aimer. C'est plus économique. C'est logique! Mais on peut donner de l'argent parce qu'il y a intelligence, parce qu'il se bâtisse un budget, ou etc., etc., etc. Pas parce qu'il nous manipule. Oui, mais mon chum, il y en a, bien si, il y a ça, puis tu m'aimes pas, t'es pas ma mère. Puis bon, oui, disons, mettons-en, allons-y avec l'amour. Alors, la personne, ce qu'elle a à faire, c'est correct, ce qu'elle fait. Le désagrément, ben, c'est comme un fruit qu'on n'aime pas. Il y en a qui n'aiment pas les bananes, il y en a qui aiment les bananes, mais ça finit là. On parle des bananes jaunes, évidemment. Si je te connaisse à moi, j'hésiterais à la poser la prochaine question, mais j'y vais. Salut. Moi, je trouve que tu es un homme qui est quand même intelligent sur certains points. Quand même. Quand même. Il est quand même. J'arrive à m'asseoir dans une chaise. Sauf que je ne peux m'empêcher de penser que ton gros problème est la frustration. Tu es borné et toi-même manipulateur. Tu viens de nous manipuler pendant 1 heure. C'est vrai. C'est sûr. Tu dois avoir terriblement souffert pour connaître si bien la souffrance, non? Quand je regarde une maison et que je ne l'habite pas et qu'elle ne m'appartient pas, je vois des défauts. Je demande au propriétaire, comment est votre maison? Il me dit, ah, pas mal correct. Ah, mais il y a que des défauts. Oh, pas tant que ça! Si je peux parler de la souffrance, c'est que je suis en dehors de la souffrance. Celui qui est dedans ne peut pas la connaître. Pourquoi? Parce qu'il se camoufle avec. Il s'en protège. Moi, je trouve que tu es un homme quand même intelligent. Bon, oui, c'est bien. Sauf que je ne peux m'empêcher de penser que ton gros problème est la frustration. Ce que je trouve intéressant dans le mot frustration, je ne suis pas encore parvenu à comprendre exactement ce que... Parce que chaque humain n'aura pas le mot frustration d'une façon différente. Mais bien souvent, le mari, par exemple, qui marche mal avec sa femme, il y a peut-être des frustrations sexuelles. Le mot frustration est employé chaque fois qu'un individu sort d'un cadre collectif. Sans doute frustré. Mais c'est drôle parce que, disons que je suis frustré. Faites les expériences que je vous ai dites. Vérifiez si les gens vous aiment, puis vérifiez comment vous les faites souffrir en les aimant. Faites-le, vous avez juste à vérifier. Donnez un cadeau à quelqu'un, puis dites, « Ah tiens, non, je ne te le donne pas. » Allez voir ce qui va se passer. Vous allez me dire, « Ben oui, mais c'est normal, tu viens d'y donner. » N'empêche que, écoutez la première partie de la conférence. « Haïssez-la, maudissez-moi, mais écoutez-la. » Et puis vous allez vous rendre compte que de toute façon, vous ne pourrez pas échapper à ce que j'ai dit. Chaque fois que vous allez aimer, vous allez devoir... Pas à cause que c'est un lépreux qui a tort. Pas avoir raison, même s'il est lépreux. Peut-être je suis 100% frustré. Mais est-ce que ça veut dire que ce que je dis est... Vous allez le vérifier. La personne dit, tu nous as manipulé pendant une heure. Mais ça, c'est évident, ça. Vous m'avez manipulé pendant une heure, parce que si vous n'auriez pas été là, je n'aurais pas fait de conférence. La relation sur cette planète est une relation de manipulation. Maintenant, il y a des manipulations qui sont positives, d'autres négatives, d'autres neutres. Vous êtes déplacé pour venir m'entendre. Donc, en partant, je n'ai pas engendré de manipulation par l'extérieur. Les individus qui ne veulent pas revenir ne reviennent pas. C'est comme au cinéma. Mais c'est évident, il y a une relation. Le docteur, ici, me pose des questions, il me manipule, selon la façon qu'il me la pose, la voix qu'il prend. Je manipule en répondant. Si on n'a pas le choix, il n'échappera pas. Alors, je ne me cache pas de vous manipuler. Et on vit dans une vie de relation. Hein? Les personnes qui sont assises là manipulent tout le reste de la salle parce qu'ils n'ont pas pu s'asseoir à la même place qu'elle. Et c'est, de toute façon, c'est évident. Chaque question manipule, etc. Ben, c'est sûr. On n'est pas dans un monde libre. Au lieu de dire, même si on pourrait dire, me manipule. Tu n'as même pas besoin de le dire. Si tu poses la question, tu connais la réponse. Mais manipuler, ça ne dérange pas. Ma femme peut me manipuler à faire quelque chose et finalement, elle me donne l'énergie parce que je sais qu'elle a raison. Mais je suis gelé, je suis dans un manque d'énergie, ça ne me tente pas, je suis fatigué, je suis paresseux. Elle me manipule. Sauf qu'elle a raison, alors je l'autorise à me manipuler et puis finalement, bon, ben OK, j'y vais, puis elle a raison. Puis quand je reviens, je suis content. Elle m'a manipulé. Mais on peut au moins s'entraider tant qu'à être manipulable. Sauf que la fois que je ne veux pas aller au cinéma, puis qu'elle fait tout pour m'y amener, puis que je travaille le lendemain, puis que je suis fatigué, l'homme manipule négativement, puis elle va se faire aller de bord. Mais les manipulations, c'est pas un problème. Si on me manipule, puis ils avaient raison, aucun problème. Prouvez-moi que l'amour existe, je vais être le premier à accepter. Mais jusqu'à date, c'est pas arrivé. Oui, l'amour existe. C'est lui qui fait souffrir l'homme. C'est lui qui rend l'homme esclave. C'est pour ça que l'homme est existentiel. Il ne vit pas. L'homme est expérientiel aussi. Les suicides d'amour, les meurtres d'amour, les... Oh, font plus. Toutes les chansons d'amour sont des chansons de souffrance. Mais moi, il faudrait qu'il y en ait qui s'ouvrent les oreilles un peu à un moment donné. Achetez des disques d'amour et écoutez ce qu'on chante. Juste la souffrance. Et que c'est beau. Il rentre à 14 ans, pas pleure. C'est ses premières souffrances d'amour. C'est normal, ça va passer. Et là, son pouls. La prochaine question en trois volets, est-ce que, un, est-ce que le Christ n'a pas prôné l'amour? Deux, que penser de l'amour universel? Et trois, et faire l'amour? Point d'interrogation. Ça ne s'adresse pas de l'amour. Vous voyez comment qu'on camoufle tout. Hein? Avoir une relation sexuelle, c'est faire l'amour. Non. C'est faire l'acte sexuel, c'est tout. Bon, pour faire l'amour. Est-ce que le Christ n'a pas prôné l'amour? Il a prôné le respect. C'est ce que moi j'appelle l'amour intelligent. Mais le langage étant ce qu'il était à l'époque, les mots n'étant pas tous là pour expliquer des choses, et le Nazaréen n'avait pas à faire ce que je fais comme travail. Il avait un travail qui était différent, pas mal plus important à faire, et il a fait le travail qu'il avait à faire. Qu'est-ce qu'il a prôné? C'est le respect d'autrui. Vos ennemis, respectez-les, donc vous ne pouvez pas les haïr. Mais c'est pas... Toutes les fois qu'il a parlé de l'amour, même si on prend les bibles, même si c'est mal traduit, on découvre qu'on parle de respect. Qu'il arrive les cheveux moses avec des clous dedans, qu'il arrive à poil, qu'il arrive... Alors, nécessairement, on ne parle pas de ce foutu amour, on parle d'autre chose. Lorsque le zélote vient le rencontrer et qu'il lui dit, « Tu es notre roi, tu dois nous aider à battre les Romains. » Et que le Nazaréen le regarde dans un œil, puis qu'il lui dit, « Tu dois aimer tes ennemis comme toi-même. » Ça en était fait de Barabbas, hein? Il ne faut plus continuer. On ne parle pas d'amour sélectif, on ne parle pas de l'amour ordinaire. Avant, le Nazaréen, l'homme aimait. Le Nazaréen vient et dit, « On doit s'aimer. » Ben, c'est donc qu'on ne s'aimait pas. Puis après 2000 ans, on vient encore dire, « Oui, mais ça a changé quoi à son passage? » On n'a jamais compris, puis on n'a jamais appliqué une chose qui va être appliquée. On a continué à faire ce qu'on a toujours fait en changeant les mots. Quand une personne dit, « Oui, mais moi, je suis un bon chrétien. » Il haït toutes les autres. Il n'a pas dit les mots, mais il met des classes sociales. Il y a les bons chrétiens, les mauvais, les impies, les ci, les ça. De temps en temps, je passe à la radio et de plus en plus, ça devient biblique. Et il y a des gens qui disent, « Oui, mais les Juifs, c'est quand même du bon monde. » Gang de catholiques, oui. « Là, je sais pas, continuez à haïr les autres peuples. » C'est quand même du bon monde. Mais ils ne sont pas corrects. On ne dit pas les Juifs. Ben, les Juifs, ils sont aussi bons que nous autres. Non, c'est quand même du bon monde. Nous sommes supérieurs et nous pouvons constater que c'est du bon monde. Ils le savent pas, nous. Les Juifs, c'est des humains. Ils disent la même chose. Parce qu'ils aiment. Est-ce que c'est une raison? Ils m'haïssent, moi, ils haïrent. Bon, bien, aimez comme ça, si vous voulez. Moi, ce que je vous dis, c'est que quand on continue à aimer de même, on engendre des guerres, on engendre des apocalypses. Ce ne sera pas le premier qui va couvrir notre planète. Et puis, nécessairement, on engendre la souffrance, chez soi, puis chez autrui. Et puis, on peut continuer. L'homme, actuellement, est-il en évolution ou en involution? L'homme, il est en évolution depuis un peu plus de 30 000 ans. Les désirs sexuels sont-ils des désirs psychologiques? Pourquoi sommes-nous manipulés par ces désirs, même si on n'aime pas ça? Qu'est-ce qu'il n'aime pas, c'est la vibration et le plan mental de l'homme, ce par quoi l'intelligence ou l'Esprit-Saint peut passer. Par contre, l'homme, la femme, ont un système endocrinien et une âme extrêmement archétypée. Le bonhomme qui ne fait pas l'amour à sa femme régulièrement, même si la femme n'aime pas trop ça, il va finir par penser que le gars a une maîtresse. Mais le gars n'a peut-être pas de maîtresse. Mais dans le standard, un mâle, on sait ce que c'est. Si le mâle ne fait pas l'amour avec sa femme plus qu'une fois par mois, la femme, elle va se poser des maudites questions sur son bonhomme. Il ne m'aime plus. Il n'aime plus mon corps physique. Il a une maîtresse. Il a... Parlons-en de cet amour. Maintenant, le désir sexuel, il est hormonal, premièrement, expérimenté par l'ego lorsqu'il fait l'acte, et il devient mémoriel. Étant mémoriel, l'âme assujettie à deux lois majeures. La première, s'exprimer pour savoir qu'elle est là. Et deuxièmement, refaire ce qui la constitue, donc répéter des habitudes mémorielles. Alors nécessairement, ça devient endocrinien et ça devient un attribut mémoriel de l'âme. Et on n'aime pas ça, puis on n'est pas ni à le faire encore, parce que le mental n'est pas encore suffisamment le contrôleur du système endocrinien, donc l'individu n'est pas encore suffisamment son seul maître. Mais nécessairement, il y a déjà une lutte entre le mental, entre l'esprit saint et l'âme, et les parties plus animales du corps physique. Lentement, ça se change. Si c'est un homme, la journée que vous allez changer, votre femme va commencer à être sûre que vous sortez bien là-dessus. Et vous essaierez de lui expliquer, mais elle va vous suggérer un médecin. On refuse le changement. Est-ce que le médecin va être capable de, mais oui, répondre adéquatement? Ben, un homme qui n'aime pas faire l'amour, on veut le soigner. La femme qui n'aime pas ça, on veut la soigner aussi. Il y a un paquet d'inventions pour rendre les femmes plus sexuelles, pour qu'elles aiment plus ça. Ils ne sont pas corrects, les femmes qui n'aiment pas ça. Mais en réalité, la femme ne peut pas aimer ça, elle n'est pas bâtie pour aimer ça. Ce qu'elle va aimer, c'est le contact avec l'homme, la sécurité avec l'homme, l'affection de l'homme. Elle n'a pas besoin de jouer des fesses. Prends une femme, puis fais-y un maudit bon massage, puis après ça, dis-lui bonne nuit, donne-lui un bon bec sur le front. Elle va être heureuse. Elle n'a pas besoin que tu sautes dessus. Mais si le bonhomme se fait un massage, après ça, la femme a donné un bon bec, puis elle dit bonne nuit, le gars, il va te tourner dans la couverture en train de manger au chat. Puis c'est des médecins mâles qui veulent guérir les femmes. Puis il y a nécessairement des femmes qui se disent sexuelles, puis eux autres, les hommes sont allés le pied, puis c'est ici, puis c'est ça. Ben oui, c'est ça. Continue à souffrir. Son caractère va retrousser, si ça dit ça. Daniel, pourquoi le Christ alors a-t-il dit, « Il n'y a qu'une seule loi, aime Dieu par-dessus tout, et ton prochain comme toi-même. » Je reviens encore sur le phénomène de l'amour. Il y a une nuance majeure entre l'amour que l'humain connaît et le respect. Et on ne peut pas dire à quelqu'un, « Non, je te comprends, mais recommence plus. » Je ne comprends pas, pas en tout. « Non, je respecte ce que tu dis, mais je trouve que tu es un peu malade. » Comme respect, lâchons pas. Pourquoi le Christ, alors, a-t-il dit, « Il n'y a qu'une seule loi. » Premièrement, il faut qu'on comprenne bien qu'à l'époque, il n'y avait effectivement qu'une seule loi majeure. Et une loi n'est pas une obligation que la conscience de l'homme doit faire. Une loi est une mécanique duquel l'homme ne peut pas s'échapper. C'est ça une loi. Une loi naturelle fait que lorsqu'on plante un grain de blé, il pousse du blé, il ne pousse pas un chêne, c'est une loi. Le blé n'a pas besoin d'adorer la loi, c'est une loi. Il n'y a qu'une seule loi, aime ton Dieu par-dessus tout, ou aime Dieu, mais c'est souvent ton Dieu par-dessus tout, parce que le Nazaréen faisait une nuance entre Dieu et ton Dieu. Et si tu es capable de placer toute ton énergie, et là, ça serait expliquer des choses qui sortiraient un peu du cadre de la conférence, placer l'énergie dans un égrégore du monde de la mort, ce qui reviendra à dire placer son énergie dans le ciel, ça va resservir à un moment donné, bien nécessairement, tout ce que tu as à perdre, tu ne le perds plus. Donc, au lieu d'aimer un vase, d'aimer ta femme, d'aimer ton mari, d'aimer ton enfant, ça, respecte-les. Puis ton amour émotif, place-les quelque part dans un égrégore, aime un Dieu. Par-dessus tout, on vient me dire après ça, « Ouais, mais le Nazaréen, il a dit, vous n'êtes même pas capable d'aimer votre Dieu par-dessus tout. » Fait que là, chez moi, avec le Nazaréen, commencez à faire au moins appliquer ce qu'il a dit. Et ton prochain comme toi-même. Autant qu'on parle encore de respect, parce que vous ne pourrez jamais mettre en application les paroles du Nazaréen si vous aimez d'un amour psychologique comme l'humanité aime présentement. Jamais. Ceux qui ne m'aiment pas, vous dérogez déjà des paroles du Nazaréen. Ceux qui disent « Ah oui, je l'aime quand même, mais non, vous ne m'aimez pas pantoute. » Et vous ne souffrirez pas de moi, vous allez m'oublier vite. C'est bien. Mais si on veut aimer et exprimer les paroles du Nazaréen, il faut qu'on passe à un amour respectueux. Pas un amour d'adoration, un respect. Comme soi-même, cela veut dire qu'on ne se met pas à genoux devant un Dieu. On ne peut pas l'aimer plus que soi-même, on l'aime comme soi-même. Et on pourrait parler longtemps sur ce qu'il a dit. Est-ce que ça rejoindrait les paroles rapportées du Nazaréen? Parce qu'il a dit « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Bien, ça revient aussi à ce que je dis, c'est que l'humain, ce n'est pas ce qu'il fait, mais il le fait bien. C'est pour quand les 144 000 élus? Très prochainement, ça ne dépassera pas les 5 000. Sur un plan à long terme, ça. Mais 400 ans pour quelques personnes au Québec. Je veux dire, comme le chansonnier, c'est long, 100 ans. C'est pas long, 100 ans, c'est parce que l'être humain est au poignet avec son impatience temporelle. Hein? On pense toujours à court terme, on pense même plus à l'avenir, on pense même plus à nos enfants, aux enfants des enfants. C'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est logique et intelligent. Alors, on va le faire. C'est rare qu'on pense plus loin que le bout du nez. Ça peut arriver quand on se rajoute une cigarette. On pense au moins jusqu'au bout de la cigarette. On a découvert l'électricité avant l'électronique. Parallèlement, notre conception de l'amour évoluera lorsqu'on aura évolué. Sommes-nous prêts? S'il y a des gens ici ce soir, c'est que l'humanité est prête. Si moi j'ai la faculté de le dire, c'est que l'humanité est prête. Puis de toute façon, je ne suis pas le seul à le vivre, sauf que je peux être une grande gueule, puis j'ai un des rares à pouvoir le dire. Mais c'est évident que l'humain est prêt. Qu'est-ce que c'est qu'être prêt? Bien, faites-le donc. Investir son énergie dans une personne aimée offre la meilleure garantie que cette énergie nous sera retournée. De plus, s'il n'y a pas d'interdépendance, on n'investira pas autant. L'amour est une leurre, apparemment, mais absolument nécessaire. Vous voyez comment que l'amour est une vacherie? Investir son énergie dans une personne aimée offre la meilleure garantie que cette énergie nous sera retournée. Ça veut dire que je vais tellement investir dans mon enfant que quand moi t'es vieux, il n'y aura pas le choix de s'occuper de moi. Pauvre petit. Je vais investir dans la personne aimée, elle va être totalement pognée, manipulée. C'est la garantie qu'elle va me ramener à cette énergie. Pourquoi alors n'êtes-vous pas capable de l'investir chez vous? Et ça, là, elle va vous rester, en vous libérant et en libérant autrui. Investir son énergie dans une personne aimée offre la meilleure garantie que cette énergie nous sera retournée. C'est la confirmation de toute la soirée. De plus, s'il n'y a pas d'interdépendance, on n'investira pas autant. Et c'est ça qu'on doit faire. L'amour est un leurre, apparemment, mais absolument nécessaire, non. Mais absolument présent, oui. Bon, Daniel, ça ne va pas. J'ai perdu la guerre, je suis devenu satanique. J'ai perdu mon esprit saint, j'ai vu la flamme s'éteindre alors que j'ai douté de Dieu. J'ai quatre égaux de former et mécaniquement, je ne peux pas faire autrement que de les nourrir. Je suis dans le vide, j'ai besoin de prier et à cause du vide, je n'y arrive pas. Personne ne comprend. Premièrement, on ne perd pas la guerre, on ne perd que des batailles. Je suis devenu satanique, non. Mais par contre, la personne, elle a perdu la perception de certains bons côtés d'elle-même. Et elle ne vibre que des mauvais côtés. Elle n'est pas changée. Elle voit le côté noir. J'ai perdu mon esprit saint. C'est faux. Elle ne pourrait même pas poser de questions. J'ai vu la flamme s'éteindre. Si elle a vu la flamme s'éteindre, c'est qu'elle était là. Et celui qui voyait est la flamme. Alors, ce qu'elle a vu s'éteindre, c'était pas. Parce que, alors, j'ai douté de Dieu. Eh oui, un Dieu qui te lâche. On doute. J'ai quatre égaux de former. Et mécaniquement, je ne peux faire autrement que de les nourrir. Je suis dans le vide. J'ai besoin de prier et à cause du vide, je n'y arrive pas. La personne a besoin d'énergie. Et son anti-homme le sait. Alors, elle dit, ne mets pas d'énergie dans ta voix. Personne ne me comprend, mais ça, ça n'a rien à voir, ça, c'est pas nécessaire non plus. La personne, qu'est-ce qu'elle a à faire pour l'instant, et elle va dire, elle peut avoir peur, je ne sais pas si elle peut appliquer, mais une chose certaine, c'est qu'elle devrait aller dans une église et aller se confesser. Alors, un égrégore lui redonnera de l'énergie. Elle sera assujettie pendant un laps de temps à ce phénomène, ce qui est extrêmement bon. Et c'est ce qu'elle doit faire. Et si possible, rencontrer un prêtre pour se confesser, pas dans une boîte. Si elle ne peut pas, qu'elle aille dans une boîte, un confessionnal. Comment Babaji, le maître du maître de Yogananda, pouvait-il se matérialiser un corps devant certains de ses disciples? Une illusion? Comment a-t-il pu opérer une telle illusion? Comment Babaji se fait-il manipuler? Comment pouvons-nous encore accepter que ce qu'on plante se transforme en arbre? Comment pouvons-nous encore accepter qu'un spermatozoïde qui rencontre un ovule, que deux cellules qui se rencontrent finissent par créer un être humain comme vous? Et vous êtes devenu ce que vous êtes parce que vous avez mangé des pommes, des bananes, de la viande. On peut encore accepter qu'on mange des choses qui ne sont absolument pas nous autres, puis à un moment donné, ça devient notre peau, nos ongles, nos doigts, nos cheveux, ça nous fait grand. On accepte tout ça, ces miracles-là. Puis après ça, on se demande, est-ce que c'est possible qu'une personne puisse se dématérialiser, se matérialiser ailleurs? Tous les miracles que vous avez tellement expérimentés, qui vous sont connus, vous trouvez ça banal. Mais vous acceptez ça comme étant, ben oui, mais c'est sûr, tu plantes une graine, c'est sûr que ça pousse. C'est pas sûr que ça pousse. Ça peut pas pousser. Mais ça pousse. Un enfant grandit. Ça se peut pas. Mais ça se fait. Parce qu'on accepte tellement, tellement, tellement les choses qu'on voit qui ne se peuvent pas que finalement, bon, on se dit, ben voyons donc, il n'y a rien là. Quand j'ai qu'une personne peut rajeunir, hey, quel malade, elle peut vieillir, ça ne se peut pas plus. Il n'y a pas un médecin qui peut expliquer le vieillissement. Mais ça vieillit, on constate, on ne l'explique pas. Et parce que tout le monde vieillit, on dit, ben oui, mais c'est normal, c'est pas nécessairement intelligent. Babaji, c'était un grand bonhomme. Et il avait la faculté, parce qu'il avait un dobétérique partiellement constitué, de le matérialiser en prenant de l'énergie vitale de certains de ses disciples pour créer un ectoplasme qui lui permettait de se d'apparaître. Ce n'était pas une illusion. Comment a-t-il pu opérer une telle illusion? Ben, c'était pas une illusion. Comment Babaji se fait-il manipuler? Babaji est manipulé par celui qu'on appelle Lazare. Quand une personne atteint le niveau d'amour bouddhique, est-ce au point de prendre dans ses bras par attrait naturel les gens qui l'entourent? Ça, c'est une effervescence d'un contact avec une forme d'amour intelligent qui crée une vibration que le corps faisait que de la difficulté à supporter. Ça va s'améliorer par une cellularisation de l'événement et ça amène l'individu à dire à quelqu'un, mais t'as bien des beaux yeux, mais il n'aime pas rien, il ne court pas après rien, mais il constate qu'il vibre. Il peut aussi serrer des gens, il peut aimer ce genre de choses. Par contre, la seule façon de vérifier si c'est pas trop en train de devenir de l'amour psychologique conventionnel, c'est que quand vous aurez le goût, ne le faites pas. Et si vous vous sentez frustré, c'est que lentement, vous êtes en train de développer un amour psychologique qui vous fait souffrir. Et si un individu ne veut pas que vous le serriez, comment votre ego réagit? Si ça ne vous dérange même pas, vous le respectez. Alors, effectivement, vous commencez à devenir un surhomme ou une surfemme. Est-ce bien toutes les collectes qui se font ici au Québec? Exemple, cancer, enfant infirme, diabète, Parkinson, etc. Non, être au gouvernement, je t'assure qu'il n'y aurait pas de collecte. On n'aurait pas besoin de faire de collecte. Mais étant donné que l'intelligence n'est pas encore exprimée à travers les échelons les plus élevés, ben, les collectes sont là. C'est une solution. Et l'argent ne va pas toujours à la bonne place. C'est pas une raison, le peu qui va, y va. C'est payer un dur tribut, mais de toute façon, c'est intéressant. Normalement, les sociétés devraient s'arranger pour travailler mutuellement en accord. C'est intelligent, logique, et ça fait partie de l'amour intelligent. On ne devrait pas faire des quémandations de ceci ou de cela. À un moment donné, on reboise les forêts, mais on doit faire des collectes, pas pour reboiser les forêts, pas pour dépolluer une rivière, pas pour faire un filtreur d'eau à un aqueduc, mais pour chercher des remèdes à la leucémie, à la dystrophie musculaire, à la paralysie cérébrale, etc., etc., etc. Et, enfin, bref, l'homme aime, alors, présentement, ça passe comme ça. Il y a eu dans l'Antiquité des peuples où suffisamment avancés pour ne pas avoir ce système de collecte. Ces peuples-là étaient insuffisamment évolués. Il faut comprendre que l'être humain part d'en haut. Au fur et à mesure qu'il descend, il oublie, il se refroidit. Lorsqu'il descend, il est plus évolué que nous le sommes ici présentement, sauf qu'il n'était pas assez involué. Alors, il avait des facilités techniques. Il avait des facilités au niveau du plan de vie. Les peuples étaient au-delà du bonheur. Les peuples étaient vivants, vibrants. Mais c'était une phase d'involution. Alors, à un moment donné, on parle de chute de l'homme. Bon, à un moment donné, à force de chuter, on peut dire, on se refroidit et on arrive à un bas-fond. Ce bas-fond, du point de vue de la conscience de l'homme, a été atteint il y a un peu plus de 3000 ans. Il a été survolté en 1980 quelques années par le passage du Nazaréen. Et du point de vue matériel, on arrive dans l'âge de fer vers 1997-99 et jusqu'à l'an 2023. Ça, c'est au niveau matériel. Mais la conscience est la dominante, on commence notre évolution. Alors, nécessairement, si on regarde dans le passé relativement lointain, on va dire, oui, mais les autres, ils étaient plus intelligents. Ils étaient moins involués. Ils étaient plus intelligents, mais par là-bas, ils s'en allaient. Nous sommes apparemment moins intelligents, mais par là-bas, nous allons. Donc, nous sommes en phase d'évolution, donc d'ascension. Alors, c'est évident qu'un jour, l'être humain n'aura plus besoin de faire des recherches pour ceci ou cela. Juste au niveau de l'enfantement, l'humain va être suffisamment logique dans son intelligence pour avoir la faculté de dire, eh bien, je suis la femme, tu es le mari, je porte des verres, tu portes des verres, eh bien, on n'aura pas d'enfants ensemble. De façon à ce qu'on élimine de la surface de la planète les torts génétiques qui obligent le monde à porter des verres. Mais si on n'a pas d'enfant, on fait quoi? Ben, on peut adopter un enfant. Ah, mais ce ne sera pas ton enfant. Non, je parle d'un amour réel. Pas d'amour, c'est d'amour psychologique comme l'humain le vit. Alors, à un moment donné, on change. Il y a tellement de procédures qui pourraient être changées, qui fait que dans 300, 400 ans, on a une humanité qui est drôlement plus prolifique, plus sécure, plus bâtie, plus efficace, plus solide, meilleure. Et c'est toujours une question de système endocrinien. Et nécessairement, on a, en tout cas, il y a plusieurs choses sur lesquelles je pourrais parler, on pourrait se comprendre, il faudrait rentrer dans le domaine hyper médical. Les peuples qui évoluaient ont été dans des phases supérieures à nous, ils sont devenus inférieurs, et c'est maintenant nous autres, et puis nous devenons supérieurs. Sauf que présentement, notre tête, le mental de certains individus, est en avance. Au niveau psychologique, il y a un retard. Or, la personne, justement, elle n'aime pas faire l'amour, mais pognait le faire. Comme le gars qui veut respecter sa femme, puis qui est toujours pogné et sauté dessus. Il souffre. La femme aussi. Bon, mais le bonhomme, il comprend. C'est déjà ça. Puis à un moment donné, l'âme, le corps astral, va finir par être instruit par le mental, qui est en contact avec l'intelligence supramentale, donc l'Esprit-Saint. Et lentement, l'astral va changer les choses, et lentement, c'est la matière qui va suivre. Et on se le prend de temps que ça le prend. Ça ne sert à rien de dire que dans le passé, c'est fait ceci, c'est fait cela, et qu'on peut refaire la même chose. Nous ne sommes pas les mêmes humains. Inconsciemment, l'homme évolue parce que l'ensemble des adoptions aujourd'hui semble rejoindre le fait de ne plus avoir d'enfants, mais d'élever quand même. Ça, c'est parce que la jeunesse... C'est dans un but encore un peu égoïque, mais il reste que... C'est toujours dans un but égoïque, sauf que même si l'homme est pogné dans un problème d'évolution, il est paramétré par de l'intelligence. Il ne veut pas, qui ne peut pas nécessairement s'exprimer par lui, pas dans tous les cas, mais qui paramètre son évolution. C'est pourquoi, bon, par exemple, le Nazaréen sur la croix qui dit « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » S'ils ne savent pas ce qu'ils font, qui sait qu'il le sait pour leur faire faire? C'est que ça doit arriver. C'est prévu. Alors, nécessairement, ce n'est pas la faute de l'humain. Quand Judas ne veut pas le trahir, quand Pierre lui parle, lui dit « Non, ce qui doit être fait, doit être fait. » Quand Jean le Baptiste se dit, ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais là, la nouille, c'est toi qui devrais me baptiser. Le Nazaréen lui répond, ben non, c'est toi qui dois me baptiser, les choses doivent être faites comme elles doivent être faites. Il y a donc un plan, un schéma qui échappe à l'homme. Pour que l'homme supporte temporairement mieux ce schéma, on implante chez lui l'amour psychologique qui l'occupe pendant la phase d'évolution, jusqu'à un jour où il doit se dégager de cette écorce, de cette coquille d'amour psychologique pour laisser rayonner simplement une logistique d'amour. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aimer quelqu'un pour l'aider. C'est intelligent de l'aider. Tu n'as pas besoin d'aimer quelqu'un pour le nourrir. C'est intelligent de le nourrir. Tu n'as pas besoin de souffrir d'avoir un enfant leucémique toute maigre pour donner pour la leucémie. Tu n'as pas besoin de tout ça dans un cadre d'amour intelligent. Tu n'as même pas besoin, parce qu'avant même qu'il te le demande, tu as déjà donné. Alors que dans les cadres actuels, eh bien, ce n'est pas comme ça. On doit te faire souffrir pour que tu donnes. Ils vont se servir de la télévision sous forme de manipulation psychologique. Manipulation psychologique, mais pas manipulation intelligente, sauf que ça donne des résultats qui sont intelligents. Mais l'humain ne participe pas à ces résultats. Autrement dit, karmiquement, l'humain ne profite pas de ces résultats. Faire du bénévolat, ce n'est pas tellement bon en soi si ça fait souffrir. Pourquoi être si malheureux? Parce qu'on a manqué d'amour. Je reviens encore sur l'idée, est-ce qu'on a manqué d'amour ou si on a manqué de relations et de communication? À un moment donné, un individu passe à côté de vous, disons, vous êtes dans un parc, vous êtes tout perdu, et il fait juste mettre la main sur votre épaule. Vous sursautez, vous vous retournez, disons que c'est une personne âgée. On a moins peur qu'elle nous viole, qu'elle nous vole. Elle fait juste bouger un peu, elle vous regarde, ça s'en va. C'est pas de l'amour qu'elle a eu pour vous, c'est une communication. Il y a eu un sentiment, elle a vibré, elle n'a même pas eu besoin de vous aimer, elle n'a même pas eu besoin de rien, elle s'est sentie approchée. Elle vous a touché, il y a eu une harmonie qui s'établit, puis elle s'en va. Moi, t'as dit qu'on se sent mieux. Et c'est un sentiment. L'humain doit vivre comme ça. Faire du bénévolat n'est pas tellement bon en soi. Ça dépend comment on fait du bénévolat, mais c'est évident que si on change de patient souvent, il y a bien des façons de fonctionner. Mais si les autres nous aiment, c'est pas de votre faute. Ne les aimez pas. Ils souffrent, vous n'avez rien à faire. C'est intelligent de l'aider. C'est pas besoin de l'aimer. Et il morve, bien on le mouche. Il est tout crotté, bien on le lave. Mais si vous devez attendre de l'aimer, oh, vous le laverez peut-être pas. Vous allez aimer plus facilement celui qui est propre. Une personne peut dire, « Ah non, moi je me suis. » Oui, voilà, mais écoutez bien qu'elle s'en vante. Elle aime ce qu'elle peut en dire, mais pas l'individu encore qu'elle est lavée. Ce que je dis, ce n'est pas, bon, l'amour que l'on vit, ce que j'amène ce soir, c'est simplement mieux. On comprend peut-être pas toute la mécanique du premier coup. C'est évident qu'il y a des souffrances parce qu'on a passé notre temps à croire, puis à prétendre, puis à parler, puis à vendre quelque chose. Il y a une facilité de se libérer de ces problèmes-là, hein? Puis l'humanité serait drôlement mieux. Comment aimer son enfant d'un amour intelligent? En d'autres mots, comment cesser de l'aimer? Premièrement, notre enfant doit ne plus être notre enfant. Deuxièmement, il doit être un ami. Et on doit être un ami. Remarquez que vous respectez beaucoup plus vos amis que ceux que vous aimez trop bien ou trop proches. Les amis, lorsqu'ils sont tannés, lorsqu'ils sont fatigués, lorsqu'ils veulent partir, on les laisse aller. Les amis, lorsqu'ils ne veulent pas sortir avec nous, on les respecte. Ceux avec qui on vit, ah non, là, ça ne va plus. Alors, l'enfant doit être un ami, comme si c'était l'enfant du voisin, que vous nourrissez, Quand l'enfant décide de ne pas faire ceci, c'est un ami, alors vous pouvez le conseiller, mais est-ce qu'on doit nécessairement le malléabiliser, le transformer totalement? Non. Vous allez dire, oui, mais par exemple, il décide de ne pas aller à l'école. Qu'est-ce qui est important? Qu'il soit instruit ou que sa conscience se forme. Si vous avez des raisons intelligentes, il va comprendre. On doit devenir un ami. On va se respecter beaucoup plus. Donc, maman, papa, ça n'existe plus. C'est les prénoms. Des entre amis. Hein? Une autre petite question courte. Quelle place occupe le sexe dans votre pensée? Exemple, coup de foudre et son venin. Eh oui! Ben, le coup de foudre, c'est simplement une vibration instantanée du point de vue du sentiment avec l'âme ou avec la conscience ou l'esprit de l'autre. Mais l'ego mélange tout et puis finalement, il veut aussi finaliser ça au niveau du sexe. Dans ce que je dis, le sexe, c'est tout à fait autre chose. Le sexe, ça sert à faire de la reproduction. Maintenant, les individus peuvent s'amuser, ça passe le temps aussi. Où il n'y a pas de télévision, il y a beaucoup d'enfants. Tous les pays se développés n'ayant pas la télévision, ils sont en surpopulation. Alors, le sexe, ça n'a rien à voir avec l'amour. Le sexe, faire l'amour, non. On peut faire du sexe en même temps s'aimer. On peut faire du sexe sans s'aimer. Hein? Ça, c'est autre chose, le sexe. Tu comprends? Oui, il y en reste pas. Y a-t-il des trucs, des techniques pour être plus conscient dans la vie? Si oui, quels sont-ils?